Papier bois, fais au chai, me fais au sale corps, me fais au même, en fais un loi. M'bral fontim, kembil, kembil, baby, changez moi. Mettez, wettez, non, pas fais ça prend encore. Ouais, j'en vois plein pour lui, t'as l'embral fort plein sous lui. Là, ouais, gros, c'est wettez, long, quel âge, quand même, couri. Freak mode, big, big, peace mode. On plan bien, façon, y'en 69, that's the cheat code. Même de yo, aïe, vin ouvert pour master. M'vin à blog, là, vin bon, moi, adapté. Blogil, ouais, y'en l'ayo, pas match. Blogil, pas bon black out TDH. Blogil, l'imé l'imé pas fait lâche. Blogil, blogil, boy, y'en l'a bon courant. Bye.